des paraboles, des rideaux tirés. C'est vraiment fou ce qu'on se promène, comme il est faux, ce monde est parfait en guise de verdure. Ils vont tout partout sur les murs, comme des enluminures, pour juste donner de la couleur à leurs allées venues. Sur les boulevards et les avenues, allées venues. Sous le soleil porté, disparu, allez, venu. Sur les boulevards et les avenues, allez, venu. Sous le soleil porté, disparu. Peut-être est-il en garde à vue. Je suis un indigène des métropoles à coups. Tirer, on s'habitue au phénomène. La vie s'arrose au fil des années. Quand tu tagues les murs de tout mon sou, je m'invente une armure. C'est pas dans ma nature, c'est juste pour donner de la couleur à mes allées venues. Sur les boulevards et des avenues, allées venues. Allées venues. Sur les boulevards et des avenues, allées venues. Peut-être est-il en garde à vue.